Ce château des Carpates date du XIIe-XIIIe siècle. Le dernier occupant fut l'heureux baron Rodolphe de Gortz. Il le quitta à 22 ans afin de satisfaire sa passion pour la musique en parcourant les principaux opéras d'Europe. Et des doutes planant sur son existence, le pope et le magistère de Werst laissèrent conforter dans l'esprit des villageois que ce château, abandonné, était un château hanté, d'où le trouble jeté par la nouvelle de la fumée apportée par Frick. Le village de Werst est un des plus arriérés du comtat de Kolozsvár. Comme son voisin, le village de Vulcan, il est juché sur le massif du Plesa. Sur les 500 habitants du village, on remarque surtout le bureau Kolz, 50 à 60 ans, plus maire que juge, à qui profitent les différentes taxes appliquées à toutes les opérations financières. Sa fille, Miriota, beauté de 20 ans, trop nourrie par les racontars du magistère. Nicolas Deck, forestier de son état, solide avec ses 25 ans. Il doit épouser Miriota dans 15 jours. Le magistère Hermod, 55 ans, plus soucieux de belle écriture que de la finesse d'esprit de ses élèves. Patak, prétendu médecin, en fait infirmier ignorant et incompétent, la quarantaine.